Et bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans la taverne à Palabre. Je suis G, un des piliers de comptoir, et je suis ce jour accompagné de deux personnes riches, deux autres piliers de comptoir de cette fameuse taverne. Nous avons dans un premier temps, à ma gauche, Choco. Hein, Choco, bonjour à vous. Bonsoir. Alors Choco, si j'en crois votre curriculum vitae, vous êtes rôliste depuis de nombreuses années, et vous êtes membre de l'association Octaèdre Ludique à Villefranche-sur-Saône. Tout à fait. J'avais postulé pour être serveuse à la taverne de Palabre, mais apparemment, il y avait des petits problèmes entre ma capacité à descendre des pintes et les attentes du boulot. Donc du coup, j'ai fini secrétaire dans l'association Octaèdre Ludique, et on est basé à Villefranche. Voilà. On est une petite association toute jeune, qui a 3 ans, et on s'éclate bien. Très bien. Bah, vous m'envoyez ravi. J'espère que cette reconversion vous aura fait le plus grand bien. Et à ma droite, notre second challenger est un homme incroyable, nommé Erwick de la chaîne Jeux de rôle en mode facile, qui est également auteur de jeux de rôle, du jeu de rôle Étoile, et qui est membre de Opal Rollist et des Sentiers pardon, de Magamance. Bonsoir, c'est ça. Parfait. Eh bien écoutez, j'ai deux personnes absolument délicieuses avec moi. J'en profite pour me représenter très courtement. Donc moi, je suis rôliste depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant, et je suis président de l'association de jeux de rôle Chalons et Dragons, qui est située à Chalon-sur-Saône. Donc nous sommes tous des gens de l'Est, mais on a aussi des défauts, je vous rassure. Nous allons donc pouvoir débattre de façon tout à fait cordiale et correcte dans cette taverne comme trois bons piliers de comptoir sur le sujet du jour qui est l'IA dans le jeu de rôle, l'IA ou intelligence artificielle. Alors sur ce, je vais tout de suite commencer par donner la parole à Choco. Choco, que vous sauriez nous résumer en quelques mots ce qu'est une intelligence artificielle? Oui, déjà je vous félicite pour ce premier choix de menu de la taverne, parce que je pense qu'on va avoir une quantité d'insultes, de menaces incroyables, vu comme le sujet est clivant. Et donc l'intelligence artificielle dans ce qui nous intéresse, le jeu de rôle, c'est l'idée de faire appel à des programmes, des logiciels hein, qui sont capables. Alors, en me renseignant, j'ai appris d'ailleurs qu'il y avait plusieurs façons pour un logiciel d'apprendre. J'ai plus les termes techniques, mais en gros, il y a ceux qui apprennent d'eux-mêmes. Il y a ceux qui apprennent par des actions qu'on va faire pour eux. Typiquement, à l'époque où on avait les CAPTCHA, quand on nous demandait « clique sur le vélo », ça en fait entraînait une intelligence artificielle à reconnaître ce que c'est un vélo, etc. Et apparemment, il y en a qui sont pratiquement autonomes, en fait. C'est un peu la suite de ce qu'avait fait Turing pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cette idée qu'on aurait des ordinateurs capables de remplacer le cerveau humain. Donc voilà, donc c'est l'utilisation de logiciels et de programmes informatiques pour générer du contenu, qu'il soit textuel ou qu'il soit... je ne sais pas d'ailleurs, je ne me suis même pas renseignée s'il y en avait de l'intelligence artificielle pour la musique, mais je suis pratiquement sûre que oui. Je crois même qu'il y a un album qui était sorti fait par l'IA. Alors oui, il y en a. Ouais, c'est ça, ça existe. Bref, pour la création quoi en général. Et d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle, je pense, de cette notion de création avec une IA. Parce que alors, c'est super clivant aussi. Voilà, je ne sais pas si je vous donne une définition à la hauteur de ce que vous attendez. Bien, je pense que vous êtes proche de la perfection, si c'est la petite hésitation sur la musique que je revalide. mais oui, voilà ce qu'est une IA, donc on n'est pas loin des fantasmes du type Skynet. Pour ceux qui n'auraient pas vu Terminator 2, c'est une intelligence artificielle qui va dominer le monde par les machines. Mais nous, on va plus s'intéresser à la partie jeu de rôle plus qu'à la partie destruction de l'univers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Excusez-moi, pardon. Je l'ai pas exprès, je disais c'est la même chose, non? JDR et destruction de l'univers. Tout à fait. Ça se rapproche. Ça dépend des extensions. Du coup, comme vous l'avez dit, l'intelligence artificielle sert à la création, aide à la création, participe indirectement à la création. Et à quoi ça sert dans le monde du jeu de rôle? Et là, je vais tout de suite donner la parole à ce cher Erwick, qui est en train de finir sa pinte de lait de chèvre, qui va pouvoir nous répondre. Erwick, je vous écoute. Très bon ce lait de chèvre fermenté. À quoi ça sert à tuer des artistes, à faire qu'ils aient plus de boulot, mais sinon... plus pragmatiquement, on peut se servir de ces outils pour nous aider dans la création de jeux de rôle, ou dans la création de parties, ou dans la création de scénarios. L'un des plus utilisés aujourd'hui, c'est Midjourney, qui est de l'intelligence artificielle générative d'images, qui va permettre, voilà, de très rapidement, on décrit un PNJ, ça illustre le PNJ, on décrit une ville, ça illustre la ville. Et ChatGPT, qui lui est un outil de prédiction de test, on va lui parler et puis il va essayer de prédire ce qu'on aimerait avoir comme réponse. Et pareil, on peut s'en servir pour lui demander des noms de PNJ, pour lui demander des scénarios complets, des inspirations, des pitchs. On pourrait même éventuellement lui demander « Écris-moi un jeu de rôle ». Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il n'est pas encore très, très bon, mais ça peut servir à tout ça. Un exemple que j'aime beaucoup, moi, c'est Game of Thrones Galaxy, qui est un actual play, où Fibre Tigre Meneur, ils ont un espèce de petit robot sur le plateau dans lequel ils ont une IA maison. Et du coup, quand ils veulent parler à leur robot, et ben, ils parlent à l'IA. Plutôt que ce soit la MJ qui joue le robot, ben, c'est une IA qui joue le rôle d'une IA. C'est assez méta, c'est une jolie mise en abîme et ça marche pas trop mal. On a parlé de la musique tout à l'heure, mais il faut aussi savoir que les IA, elles peuvent aussi faire de la voix. Oui. Elles peuvent faire de la voix. Il y a des exemples très cons comme Johnny Hallyday qui chante le générique de One Piece, mais on peut aussi imaginer des trucs plus intelligents et propres aux jeux de rôle. Alors, pour le coup, j'ai un tout petit historique sur l'aspect création musicale. Ça avait commencé avec une intelligence artificielle dont je vous retrouverai le nom, qui avait commencé à étudier la musique baroque et qui avait bouffé tout ce qu'on avait sur Terre comme musique baroque et qui après avait commencé à en composer. Au début, c'était absolument inaudible, dégueulasse. Et au bout du 75 millième essai, ça commençait à avoir de la gueule. Et du coup, je fais tout de suite le parallèle avec la créativité humaine, c'est-à-dire que, bien entendu, pour votre premier scénario de jeu de rôle, pour votre première partie à mener, votre première écriture de PNJ, bah, le premier sera pas forcément ouf, mais c'est normal, c'est le principe même de la création, c'est que quand on crée, on échoue. Et puis, au bout d'un moment, on crée un truc qui est pas trop un échec. J'aurais plein d'exemples qui viendraient, mais je peux vous donner ma vie, par exemple. Je suis un très grand créateur, je suis à beaucoup d'échecs, mais un jour, je toucherai la réussite, j'en suis certain. Voilà. Plus précisément, sur la place de l'intelligence artificielle dans une partie de jeu de rôle, comme vous l'avez dit, Arwick, ça permet de générer visuellement une description. Et vous l'avez dit, ça va mettre des artistes au chômage. Donc, toutes ces belles personnes qui font des petites illustrations dans les bouquins de JDR vont-elles se retrouver au chômage à cause des IA ? Est-ce que, on pourra avoir une vraie intelligence artificielle qui parle sur un plateau comme l'ont rêvé toutes les sitcoms pourries des années 90 ? Est-ce que ça va vraiment nous faire du bien, ces IA, ou est-ce que ça va vraiment tuer un métier et appauvrir la pratique ? Pour le coup, si je peux me permettre, je pense qu'en fait, une des erreurs qu'on fait, ou c'est pas une erreur, mais on va dire un des biais qu'on a quand on réfléchit à la question, c'est qu'on veut, genre c'est oui ou non. Je suis pro-artiste ou pro-IA, et en vérité, quand on a commencé à discuter, à se dire qu'on allait travailler, aborder cette question, je suis allée voir dans d'autres tavernes en me disant, bah, je vais aller voir dans les tavernes de ceux qui sont pro-IA et dans les recoins des mercenaires anti-IA pour voir les arguments de chacun. Et en fait, il y a une partie de l'intelligence artificielle qui peut être intéressante, je trouve, en jeu de rôle. Le plus gros défaut, et on peut s'en défaire en vrai, c'est la question de la propriété intellectuelle et vraiment aussi de la création. J'en ai parlé, j'ai beaucoup discuté avec un ami qui est illustrateur. Il en fait son métier, il illustre beaucoup de choses, que ce soit du jeu de rôle, des jeux de société, etc. Et il se trouve qu'il est rôliste, en fait. Donc, je trouvais son avis pertinent. Et lui, il a des éléments qu'il trouve intéressants sur l'IA. Le vrai problème, c'est la notion déjà de dire qu'une IA crée alors qu'elle se réapproprie la création d'autrui. Pour lui, en tout cas, il n'y avait pas d'idée de création dans l'IA. C'est de la génération, mais en gros, c'est une sorte... L'IA fait un smoothie des idées des autres, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'un smoothie, c'est une création ? Je ne suis pas sûre. Enfin, du je ne sais pas, ça se discute en vrai. Et c'est vraiment cette idée de... plus que véritablement un créateur. Complètement. Un outil, un facilitateur de création, mais qu'en soi... Quand on voit que, si on va sur Game on Tabletop, il y a un jeu actuellement qui a été complètement illustré par IA, est-ce que c'est de la création d'illustrer à partir d'œuvres qui ont été produites par des illustrateurs ? Est-ce que c'est pas du plagiat, finalement ? même si le plagiat est difficile à définir, parce qu'il faudrait retrouver les éléments de chacune des illustrations qui ont inspiré au concept, on est quand même dans une forme de plagiat extrêmement délayée, hein, extrêmement noyée. Mais à la base, cette IA, elle s'est quand même forgée sur des créations. Alors là, après aussi avec un bémol, apparemment, il existe certaines IA qui fonctionnent en Creative Commons. Apparemment, Adobe Illustrator a un générateur, il y a une IA intégrée qui fonctionne qu'avec du libre de droit. Auquel cas, moi perso, je vois pas de souci. Mais c'est vrai que là où n'importe quel illustrateur va forcément s'imprégner de ce qu'il voit ailleurs comme illustration, c'est quand même sa main qui tiendra le crayon au bout du compte, alors que pour une intelligence artificielle, on aura vraiment un principe de copier-coller, en fait, où c'est le pixel ou les trois pixels qui sont côte à côte qui seront recopier-collés pour être dans la même sensation de dessin qu'Aaron Spencer, par exemple. Alors oui, je suis un boomer, je cite Ron Spencer, excusez-moi. Je ne sais pas qui c'est, mais je t'excuse. Effectivement, on peut dire à une IA, dessine-moi du Aaron Spencer, dessine-moi du... J'ai pas de nom d'artiste, c'est con. Dessine-moi du Guillaume Janté, mais personne va dire dessine-moi du Guillaume Janté. Faudrait quand même être sacrément méchant. Mais ça, c'est un premier problème, entre guillemets, c'est que à partir du moment où on peut faire imiter le style d'un artiste à une IA générative, c'est déjà un premier problème, c'est que niveau éthique, c'est pas bon. Et ça, c'est un problème qu'on peut vite mettre de côté, parce que suffit que les gens ils fassent pas ça, hein, le faites pas, c'est pas cool, vous le faites pas. Et en plus de ça, de plus en plus d'IA génératives vont le bloquer. Au fur et à mesure des avancées, beaucoup d'IA développent des espèces de protections pour éviter ce genre de choses. Par exemple, ChatGPT, ont mis des protections pour pas lui faire faire des trucs illégaux, pour pas lui faire dire des trucs illégaux. Ou alors, faut que tu lui dises qu'il est dans un jeu de rôle. Et là, tout d'un coup, il sort tous les trucs illégaux que tu veux. Il te dit comment pirater des machins et tout, parce que tu lui as dit, oui, mais t'es dans un jeu de rôle. Mais les développeurs, les éditeurs des IA peuvent mettre en place des protections pour éviter de fais-moi un dessin dans le style de tel artiste à la mode, et puis comme ça, de l'art, etc. L'autre souci, c'est comment est-ce que ces IA sont entraînées, comment elles fonctionnent. Quand les IA génératives d'images, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai compris le fonctionnement de Midjourney, c'est qu'en fait, il y a deux parties dans l'IA. Il y a une partie qui va être de reconnaître des choses. Je reconnais des chats. Le but, c'est d'avoir plein d'images de chats, plein d'images de voitures, plein d'images de tout et n'importe quoi. Et ces images-là, on va les brouiller. On va rajouter du bruit informatiquement. Ça va devenir de plus en plus de la bouillie de pixels. Et la partie reconnaissance va dire, là, c'est un chat, là, c'est un chat, là, c'est un chat, là, c'est un chat. On va rajouter du bruit, jusqu'à ce qu'on soit plus capable de dire, c'est un chat. Mais avec les tags, il y a plein d'étiquettes, les animaux, les couleurs, les machins. L'IA, on va la bombarder d'images et on va la faire reconnaître tout un tas de trucs et on va rajouter du bruit. Lorsqu'on va écrire un prompt, lorsqu'on va dire dessine-moi un chat bleu, eh ben on va prendre du bruit qui a été reconnu avant comme bleu. Puis on va prendre du bruit de chat et on va les mélanger et du coup on va repartir du bruit et on va débruiter. Pour ça que souvent, même encore maintenant sur les illustrations d'IA, vous verrez parfois des artefacts un peu bizarres. Parce qu'on prend du bruit, du vrai bruit informatique, de la bouillie pixel, et on essaye de faire du rétro-engineering et d'avoir une nouvelle image. Pour ça que c'est jamais du copier-coller. Ça sera pas du copier-coller dans le sens où, comme on part de différents bruits, on n'aura jamais l'image de départ. C'est pour ça aussi que quand t'es artiste, quand t'as créé de l'illustration et que ton illustration elle a été donnée à bouffer à une IA pour qu'elle apprenne, je vois pas comment c'est possible aujourd'hui de prouver qu'on t'a piqué ton illustration. Parce que petit 1, il y a des milliers de gigas d'illustrations différentes et semblables qui ont été ajoutées dans l'outil et où on a rajouté du bruit, donc c'est difficile de le trouver. Et puis, en plus de ça, il y a eu tellement de bruit, tellement de transformations sur l'image qu'au final, l'image qui est générée par l'IA, c'est vraiment une nouvelle image. Mais c'est aussi pour ça qu'on voit certains artefacts. C'est aussi pour ça que les mains, ils savent pas encore bien faire parce que c'est pas évident de reconnaître une main. Oui, et ça, tous les illustrateurs le savent. Dessiner des mains, c'est très compliqué. C'est là que vous reconnaissez les débutants en dessin. C'est ceux qui dessinent toujours des personnages de manga qui ont les mains dans le dos. Et ça, ceux qui font du dessin le savent. Ouais, ou le point fermé, c'est quand même un peu plus fort. Enfin, il y a plein d'astuces pour quand tu sais pas dessiner les mains. Mais du coup, ce fonctionnement-là même de Midjourney fait que quelque part, pour si on voulait une utilisation de l'IA éthique à 100%, il faudrait ne pas demander à plagier des artistes et il faudrait que les éditeurs ou le concepteur de l'IA te disent « Voilà, mon IA, je l'ai entraîné sur tel lot d'images. Sur, voilà, voici ma base de données, ça fait 1 téra, c'est que du Creative Commons. Voici ma base de données, elle fait 20 téra, 40 téra, peu importe. Hein, il en faut de la donnée pour pouvoir l'entraîner, pour qu'elle puisse reconnaître les différents éléments, pour qu'elle puisse reconnaître, pour qu'elle puisse travailler dessus, faire du bruit et tout, pour qu'elle puisse arriver à un résultat satisfaisant au final. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des éditeurs, qui fait l'intelligence et l'efficacité de leur IA, c'est ce modèle d'apprentissage. Midjourney est plus joli que Blue Widow ou que d'autres, ou que DALL-E, c'est parce que ils ont leur donnée à eux, ils ont leur manière de travailler, et c'est pas des logiciels open source. L'éditeur de Midjourney ou de DALL-E va pas te dire, ah bah tiens, voilà comment fonctionne notre IA. C'est pas leur but. Leur but, c'est de vendre leur IA. Midjourney, je crois que c'était 100, j'avais essayé, je crois que c'est 100 utilisations gratuites. Oui, tout à fait. Ça a vite des utilisations parce que le premier prompt c'est dégueulasse, hein. Le deuxième prompt c'est dégueulasse. Tu changes des machins, des trucs. Et moi j'ai dû utiliser toutes les 100 utilisations gratuites juste pour avoir un résultat qui me plaisait bien ou un scénario. Et du coup ensuite c'est des abonnements. Je crois que c'est 10 balles par mois pour Midjourney. Donc eux ils ont pas intérêt à te dire sur quoi ils s'entraînent. Et du coup c'est peut-être pas du val. Hein. Peut-être qu'ils ont leur données à eux. Peut-être qu'ils ont des illustrateurs maison internes. On peut pas le savoir. Peut-être que je suis mauvaise langue. Peut-être qu'au final il y a des illustrateurs qui bossent. Pour Midjourney, néanmoins, on sait quand même que certains éditeurs sont pas très propres, sont pas très éthiques, et la moralité, c'est pas leur truc. Hein. Je crois que c'est Midjourney qui, à un moment, on s'est rendu compte que piquait ce qu'il y avait sur DeviantArt. D'accord. Il y a des gens qu'on s'en est rendu compte plus ou moins par hasard. Et du coup, donc, s'il n'y a pas de possibilité de recours à la notion de plagiat à travers certaines IA, comme notamment Midjourney, visiblement, est-ce que on peut parler du coup d'une forme de concurrence déloyale, là où un illustrateur peut produire, je ne sais pas, X planches dans la journée, je ne saurais pas me prononcer sur le nombre exact, là où Midjourney et d'autres peuvent en produire presque une heure, votre avis sur la question. En fait, au-delà de cette idée de concurrence déloyale, j'allais dire déjà, on a un problème qui est clair. L'IA, elle est utilisée et ça varie de manière croissante. Et je trouve que là où Erwick pointe quelque chose d'intéressant, enfin, il n'en pointe pas qu'une, mais il y a deux choses qui m'intéressent dans ce dit. Il va falloir légiférer, en fait, sur tout ça. Il va falloir créer un cadre. Parce que pour l'instant, ça se développe de manière complètement autonome, en fait. C'est-à-dire qu'on est confronté aux choses, ça prend de l'ampleur et un jour il va bien falloir reconnaître en fait qu'on a un outil qui a une puissance énorme, qui a aussi une puissance de vol et de façon, parce qu'il y a des droits d'auteur quand même et du respect de droits d'auteur, peu importe l'échelle à laquelle on prend, il y a quand même une reconnaissance de la propriété intellectuelle et de ce qui est produit au niveau artistique, donc il va bien falloir que ça soit légiféré un jour là-dessus. Par contre, à mon avis, ça va être difficile parce que c'est le problème, et ça touche le deuxième point, c'est un problème en fait d'éthique et de société dans laquelle on se trouve. Dans une société de consommation, on veut du rapide, on veut du pas cher, il y a de la mise en concurrence, comme vous le dites, très respectueux. Vous pouvez me tutoyer, je l'accepte. TJ, merci beaucoup. Non. Je crois qu'elle parlait de nous deux, en fait. Non, mais vous êtes tous les deux très respectés. Non, mais voilà, on a un vrai problème d'éthique. C'est-à-dire que l'argument de beaucoup de personnes qui utilisent les IA, c'est « j'ai pas les moyens ». J'ai pas les moyens de payer un illustrateur. Et je parle là, je parle clairement pas dans le cadre privé. Hein, parce qu'il y a aussi un problème, c'est qu'à la limite, tu veux utiliser une IA pour ton JDR avec tes potes, libre à toi, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'ai un goût pour l'authenticité et je préfère aller chercher des illustrateurs que je kiffe et leur dire « bah ouais, là, tu tombes sur ce dino », leur claquer un beau dino de William Stout. Et si mes joueurs, ils disent, ouais, mais il est trop bien, ça vient d'où? Je leur dis, bah, ça, c'est du William Stout, gars. Va voir ce qu'il fait, c'est trop, trop beau. Et comme ça, j'ai découvert plein d'artistes, plein d'illustrateurs, plein de, voilà. Ça, c'était génial. C'est mon goût personnel. À la limite, si un meneur de jeu ou une meneuse de jeu a envie de dire, bah, moi, je veux que ça soit vraiment très personnalisé. Je veux pas m'inspirer d'une œuvre existante. Pourquoi pas? Écoute, fais ce que tu veux. De toute manière, tu vas pas en faire de profit. Ce qui pose un problème, c'est la question de tous ceux qui vont faire du profit là-dessus. Et je pense notamment à tous ceux qui sont dans le cadre pro, qui vont, et on en connaît au minimum tous les trois un exemple, qui vont assumer complètement le fait d'utiliser des intelligences artificielles pour maîtriser des parties dans des cadres où ils sont rémunérés pour ça. Ça veut dire que eux se font de l'argent, sur quelque chose de gré, c'est construit à travers le travail de quelqu'un d'autre qui, lui, est, un, pas rémunéré. Et pas rémunéré, c'est pas que l'argent, c'est-à-dire qu'on si on lui vole sa reconnaissance en tant qu'artiste, sa notoriété et son droit, en fait, d'être cité sur sa production, ce qui me semble être un minimum. Donc, et ça, c'est un problème d'éthique. À mon avis, on va avoir la même opposition entre l'artisanat et l'industriel. Est-ce que, je vais prendre un exemple qui est complètement sujet. Est-ce que quand je sais pas, quand je sors un bol, est-ce que je suis super fière de sortir mon petit bol qui a été fait par un potier que j'adore? Ouais, il m'a coûté 3 fois plus cher que mon truc Ikea, mais c'est pas du fan série. Le potier, je le connais, c'est un artisan que j'adore. J'ai très, très envie qu'il continue à faire son art parce que je trouve ça génial et j'ai envie de l'encourager, quitte à payer un peu plus parce que j'en ai les moyens. Ou est-ce que je veux mon truc générique qui ressemble, hein, franchement, il a la même tronche, sauf que ça a été produit en série, ça coûte rien. En tout cas, je crois que ça coûte rien parce que ça coûte quelque chose. J'ai pas conscience du prix. Il y a quelqu'un qui se fait, désolé du mot, mais qui se fait enfler. Sauf que comme c'est pas moi, ça me va bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment la question de l'éthique et de la réglementation dans tout ça. Parce qu'on pourra jamais demander aux gens, c'est comme leur dire, arrêtez d'aller sur AliExpress, arrêtez d'aller sur Amazon. Il y en a qui vont vous dire, ouais, mais c'est du racisme de classe. J'ai pas les moyens de me payer un truc aussi cher, donc je fais ce qui est à la hauteur de mes moyens. Pourquoi pas? Mais vraiment, la question, c'est dans tout ce qui va être en fait professionnel et rémunéré, en fait. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est normal de se faire payer avec le travail de quelqu'un d'autre? Surtout que je rebondis sur ce qu'on disait avant, il y a un double effet qui se coule très pervers, qui est de dire que l'intelligence artificielle n'est pas un créateur, mais qu'elle n'est qu'un outil, et du coup, une boîte d'édition lambda, que nous appellerons jeu de rôle édition pour ne nommer personne, peut très bien embaucher Philippe Martin, qui est un nom complètement inventé, hein, je ne connais pas de Philippe Martin personnellement, et dire « Voilà, Philippe Martin est notre illustrateur », alors qu'en fait, Philippe Martin a juste rentré des tags à la chaîne dans Midjourney pour avoir les illustrations demandées. Mais tu sais que là-dessus, j'ai été très surprise. À l'inverse, il y a des écoles d'art qui encouragent l'utilisation des IA. Et ça m'a tuée. J'ai discuté avec une jeune fille qui est en école de... design. Comment ça s'appelle? Pour tout ce qui va être dans la mode. D'accord. Son école encourage, ouais, de design, ouais, mais vraiment question de vêtements, quoi. Elle encourage le recours aux IA. Et apparemment, alors j'ai pas vérifié l'info, je vous le dis clairement, apparemment, l'école des gobelins, on parle des gobelins, quoi. On parle pas d'une petite école obscure que personne ne connaît, encouragerait la création par IA. En mettant en avant comme argument que ça permet d'obtenir des résultats qui seraient inaccessibles avec des techniques qui sont des techniques purement humaines, en fait. Je sais pas si on peut dire comme ça, et je trouve ça étonnant parce que ça veut dire qu'on a quand même un truc qui est monstrueux si même les gens qui forment les artistes encouragent le recours à cet outil. Mais après, c'est pareil. Faut voir comment ils l'encouragent et sous quelle forme. Je suis pas sûre que leur idée, ça soit de dire, je vous encourage à utiliser quelque chose si sur long terme, en fait, va détruire votre emploi. Parce que, qu'on soit clair, il y a plein de gens qui sont réputés pour ça. Il y a une jeune femme, d'ailleurs, que je retrouve son nom, qui est un petit peu la figure emblématique en ce moment de l'anti-IA. On est en train de détruire, tu l'as dit, Erwick, hein, on est en train de détruire des emplois. Et ça, c'est dramatique, en fait. Parce qu'on est en train d'avoir une perte créative qui est monstrueuse. Des gens qui vont se trouver à la porte parce que, Ouais. Le temps qu'ils ont à travailler, ça a un coût et que les gens. Mais c'est pareil, hein, là, je juge. Oui et non. Mais quand une petite brasserie locale avec une production associative doit faire sa nouvelle étiquette, c'est sûr qu'on lui dit, un illustrateur, t'en as pour au minimum 300 €. Il faut discuter de la durée des droits, pour quel type d'étiquette, sur combien de temps. Ou alors tu fais ça sur Midjourney et c'est gratis. Je peux voir aussi le choix, quoi. Mais les gens ont du mal à imaginer, en fait, pourquoi, en fait, une illustration, ça a un coût. Il y a un travail derrière, il y a une formation, et tout ça, ça va disparaître. Je trouve ça dramatique, personnellement. Ouais, et puis, je rajouterais même que non seulement il y a des gens qui vont perdre l'emploi, mais on va aussi perdre de la richesse graphique. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les IA savent faire qu'un seul type de dessin. Même si, soit elles copient un artiste nommé, quand tu lui dis, fais-moi un dessin dans le style d'un tel, elle va copier, mais sinon, si tu donnes pas d'indication claire, c'est très compliqué d'avoir un style marqué. Comme c'est du bruit qu'on retient en image, qu'on s'est basé sur plein d'images, qui ont tout à peu près, pour que l'outil reconnaisse mieux les images, elles ont tout à peu près le même style, ou alors des styles proches. le rendu de Midjourney est toujours à peu près pareil. Même quand il n'y a pas de problème de main, pas de problème d'artefact à cause du fait qu'on a enlevé du bruit, il y a toujours, je sais pas, une espèce de feeling. Je sais pas, je saurais pas très bien comment l'expliquer, surtout en audio uniquement, je peux rien montrer, je peux rien voilà. Mais en gros, les IA génératives d'images font à peu près tout le temps les mêmes images. Un jeu qui est illustré par IA, ça sera pas moche. Surtout si l'auteur slash graphiste slash artiste IA. Maintenant, il y a des mecs sur leur CV, c'est IA artiste. Ouais, je suis un artiste IA. Bien sûr, mec. Ce que tu fais, c'est pas de l'art. Ah, oh, ça m'énerve. Bref. Laissons de côté les artistes IA d'un côté. Mais qui va être produit par IA, ça c'est uniforme. Deux livres écrits par IA, ça va être exactement la même gueule. Après, c'est peut-être ce que veulent les personnes. Hein. Moi, je sais que il y a quelqu'un qui avait utilisé l'IA Je sais qu'il y a une personne qui avait utilisé l'IA pour illustrer son supplément d'univers et de raid pour Donjons et Dragons. Bah oui, c'est uniforme et c'est classique, mais c'est du Donjons et Dragons, donc ça gêne pas trop. Oh là, monsieur, ne rentrez pas sur ce point de débat qui est autre. Sur le côté lisse et insipide de Donjons et Dragons. Gardez ça pour un prochain numéro. C'est pas lisse et insipide, j'ai dit uniforme et classique. C'est dur. Donjons et Dragons, qu'on aime ou pas, c'est le jeu de rôle le plus classique. Donc qu'on ait des images classiques, c'est moins choquant qu'un cyberpunk, ou si quoi que le cyberpunk, ça marche aussi. Mais voilà, pour parler d'un jeu dont le supplément était en financement il n'y a pas longtemps, qui n'est pas du tout illustré à l'IA, mais Okimba, je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Ça n'aurait absolument aucun sens d'avoir d'autres illustrations que celles qu'il y a eu pour Okimba. Et les illustrations d'Okimba, l'auteur, c'est un vrai artiste, c'est fait à l'aquarelle, et il a expliqué encore il n'y a pas longtemps dans l'interview qu'il l'a fait à l'aquarelle. Pourquoi ? Parce que pour lui, le bouquin de jeu de rôle existe dans la diégèse. C'est un carnet de route d'un des gars qui existe dans le monde, le jeu de rôle. Et en plus, les règles, tout ça, oui, parce que c'est un jeu de rôle, il faut qu'on joue avec, mais il l'a vraiment pensé comme un carnet de voyage, et du coup, il fallait que les illustrations puissent être faites à la main. Avec les outils de l'époque de l'univers du jeu où ils n'avaient pas d'informatique, ils n'avaient pas de tablette, ils n'avaient pas de Photoshop, ils n'avaient pas d'Inkscape, ils ne pouvaient pas vectoriser quoi que ce soit. Donc, il a tout fait à la main, à l'aquarelle et à l'encre de Chine pour qu'on puisse plus facilement s'immerger, plus facilement s'imprégner. Quand on regarde un artiste que j'aime aussi beaucoup comme le Grumpf, ses dessins ne sont pas les plus beaux du monde, mais c'est le Grumpf. C'est des traits très simples, c'est des trucs très schématiques et ça marche. Il y a une style, il y a une patte, il y a un truc qui fait que, ah, c'est du chibi, tu sais que c'est du chibi, c'est chouette. Les dessins pariés, les illustrations pariées, j'ai l'impression que c'est un peu toutes les mêmes. Elles sont chouettes. Et parfois, ça envoie même un peu du lourd. Voilà, tu peux avoir des trucs super, super impressionnants, avec des sabres laser, de la lumière, des machins, des trucs, des vaisseaux, des monstres, des machins. Et ça marche. Et ça, c'est fade. Et puis, pour que Midjourney puisse produire, puis les autres, hein, c'est la même chose, mais pour qu'ils puissent produire quelque chose, il faut qu'ils comprennent le prompt. Ce qui veut dire qu'à la base, pour générer un truc, il faut que ce soit un truc qu'ils puissent comprendre. Un e-ours, c'est facile parce que le Donjons et Dragons, il y a eu le film, tu lui dis un mi-ours, mi-hibou, il va trouver. Mais si tu veux un truc, un jeu de rôle un peu original avec des trucs qui n'existent pas avant, de toute façon, l'IA va pas t'aider. Ou alors, faut que tu fasses des discussions ultra abstraites. Bah, sans aller chercher très loin, tu demandes des illustrations par rapport à Cthulhu, où justement, on parle de choses non euclidiennes qui sont pas concevables par l'esprit humain. Je vois pas comment une IA pourrait vraiment y arriver, en fait. Il y a d'ailleurs toute une BD que je vous recommande qui est très très sympa où des auteurs se sont amusés à défier cette idée-là de se dire on va essayer de représenter l'irreprésentable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on illustre Lovecraft, comment est-ce qu'on peut illustrer Lovecraft dans ses visuels en dehors des trucs très classiques, des textes de poulpe et tout ça. Donc c'est Bleachia Lovecraft chez Rackham que je vous recommande chaudement si vous voulez essayer ça, et du coup ça passe par des choses très très patinées où des fois on voit vraiment les coups de pinceau, les coups de crayon bruts, mais vraiment très très bruts, parce que c'est quelque chose que étant donné que l'esprit ne peut pas se le représenter diégétiquement, on casse complètement ça en mettant des traces de pinceau pour représenter un visage. C'est très particulier, ça peut être très dérangeant. Mais du coup, ça rejoint ce qu'on disait, où le côté artisanal, la patine d'un objet fait main, fait maison, entre guillemets, comme le pot fait par un potier dont tu parlais, Choco, et le pot fait en série qu'on peut acheter dans n'importe quel grand magasin de jardinage, ils peuvent avoir, entre guillemets, enfin le bol, pardon, c'était des bols, c'était pas des pots, excuse-moi, ils peuvent avoir la même finalité, la même utilité, tu te sers un bol de café dedans, ou un bol de thé, j'en sais rien, mais ils n'ont pas la même finition et ils n'ont pas le même lien avec toi, avec son consommateur. Dans le premier cas du bol en série, tu vas avoir juste un lien qui est simplement celui de l'usage. Avec l'autre, tu auras celui de l'acte de consommation, de dire d'acheter quelque chose à un artiste ou à un artisan, selon comment tu considères la chose. La deuxième chose, c'est pourquoi tu l'as choisi celui-ci et pas forcément un autre. Bien entendu, ton bol en série, tu peux en choisir un bleu plutôt qu'un vert, mais tu sais que tu pourras avoir un peu toutes les couleurs que tu veux et tu vas prendre ce qui s'est sorti à ta table ou au reste de ton set de couverts. Et enfin, avec le bol qui a été fait main, t'as aussi toute l'histoire que peut te raconter implicitement son artiste, à travers les mailles qu'il a choisies, à travers les petites aspérités qu'il a pu laisser. C'est des choses qui sont de l'ordre du choix et pas juste du choix design commercial. C'est bah j'ai décidé de faire comme ça parce que j'ai pas d'autre moyen de faire, parce que c'est un émail qu'on trouve exclusivement dans ma région, parce que c'est une terre qui vient de hyper loin et que j'ai voulu la travailler parce qu'elle peut se travailler comme ça, etc., etc. Ouais, et je trouve que tu touches aussi à un truc qui est intéressant. Tout est intéressant. Je vais le dire une bonne fois pour toutes, tout est intéressant. Même quand bien même, je serais pas d'accord avec vous, ce qui est pas le cas, c'est aussi la notion d'humain et d'affection et d'amour de ce qu'on fait. Je trouve. On est dans un loisir. Moi, je le vois toujours comme un loisir. Hein. J'ai pas de problème avec les MJ Pro. Mais moi, je suis vraiment dans la notion loisir. Et j'ai un amour, en fait, pour les gens qui passent du temps à créer un univers en se disant, ouais, il y a les gens qui vont le jouer. Est-ce qu'ils vont aimer ça? Qu'est-ce que je leur donne? Puis, alors, s'ils ont un magicien, faut que je pense à leur magos. Et puis, oh là là, puis il y a ceux qui jouent des barbares. Comment eux, je vais les faire kiffer mon aventure? Je sais pas si vous avez forcément, je pense, créé des parties. Vraiment, enfin, quand on le fait pour nous, dans le sens où on exprime, notre imaginaire, mais avec cette idée permanente de comment je vais leur faire plaisir, en fait. À quel moment ils vont accrocher, ils vont aimer ce que je vais faire. Et moi, j'ai de l'affection, en limite, une forme d'amour vu les moments que je passe pour ces gens qui prennent beaucoup de temps de leur vie pour m'offrir en fait m'offrir des choses qui me plaisent, que ce soit visuellement ou en lecture ou même en scénar, quoi. Enfin, merci d'exister. Et comme tu dis aussi, Arwick, merci d'être créatif, de proposer. T'as cité Okimba, mais Okimba, ça a été une claque quand je l'ai vu. Il est génial, ce JDR, et c'est pas, tu vois, c'est pas quelque chose de commun ce qu'ils ont fait. Et je trouve, ouais, ça, c'est aussi une notion avec l'IA. Enfin, moi, ça, je trouve ça dommage, en fait. On est dans quelque chose qui réunit l'humain, et je trouve pas qu'on ait besoin plus que ça de mettre de l'informatique dedans. On a besoin d'authenticité. Enfin, tout est fake maintenant. Tu vas sur TikTok, il y a pas un seul truc qui est pas retouché. Les images autour de nous, elles sont toutes retouchées. Tout est factice, tout est fait pour être produit rapidement, pour répondre à des besoins. Au final, voilà. Ouais, je trouve que voilà, c'est dommage. Ça. C'est comme tu dis. Et d'ailleurs, je crois que c'est Guillermo del Toro qui l'avait dit aussi. Il fait partie de la grosse vague anti-IA, que c'était la mort de l'art. Bah, je trouve que c'est la mort de l'art, et c'est la mort. C'est plus que la mort de l'art. C'est la mort du lien qui fait qu'il y a un truc qui se crée entre la personne qui fait le jeu de rôle et la personne qui va adhérer à l'univers et qui va se dire, oh là là, est-ce qu'il y a un supplément? Est-ce qu'il va sortir ça? Voilà. Je sais pas si je suis claire mais je le ressens un peu comme ça. Si, tout à fait. J'entends bien ce que tu dis. Et c'est vrai qu'on peut même, à la limite, se poser la question, quelle est vraiment, l'utilité de l'IA dans le jeu de rôle? Je dis pas que c'est totalement inutile, mais est-ce que, c'est pas juste un nouvel outil, mais que c'est pas du tout un indispensable, ou que c'est pas du tout quelque chose qui va forcément tout révolutionner. Alors, bien entendu, tous les gros réacs et tous les conservateurs, au moindre changement technologique, ont tendance à grimper au créneau. Historiquement, quand on a commencé à faire, au niveau du dessin et de la peinture, quand on a commencé à faire de la peinture industrielle, quand on a commencé à pouvoir acheter ses tubes de peinture soi-même, ça a complètement révolutionné le métier de peintre. Parce que avant, ces braves gaillards, ils fabriquaient eux-mêmes leur propre couleur noire en faisant fondre de l'ivoire, en le mélangeant avec du blanc d'œuf ou je ne sais quoi, afin d'avoir les couleurs qu'ils voulaient eux-mêmes expérimenter. Bien entendu, certains artistes le font toujours aujourd'hui, mais ça a aussi permis de démocratiser les choses, etc. Il y a du plus, il y a de la plus-value, il y a de la moins-value, etc., etc. Et surtout, dans un loisir comme le jeu de rôle, qui est, à mon sens, un loisir qui, comme tu l'as dit, Choco, doit réunir les gens si possible autour d'une table, etc., mais en tout cas les réunir, moi je préfère en présentiel, mais parfois juste les réunir en virtuel, est-ce que ce besoin de toujours recourir à la technologie et surtout à des palliatifs que nous donne la technologie, ça ne va pas scléroser la pratique, ou du moins ne pas forcément l'améliorer. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plein d'illustrations de PNJ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une description écrite par ChatGPT pour décrire un grand château? Vraiment, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour passer une bonne partie? Et surtout, est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose? Ce que je veux dire par là, je me permets ce petit pas de côté dans la réflexion. On a souvent tendance à dire ce que peut faire l'IA et de ce qu'elle peut pas faire. Mais il y a un truc que nous, on pratique tout le temps et qui nous sert énormément dans notre communication, et moi qui me sert aussi beaucoup dans mes parties de jeu de rôle, c'est l'utilisation de l'implicite. Chose qu'une IA ne peut pas comprendre. Si vous dites à une IA « si tu vois ce que je veux dire », elle n'a absolument aucune idée de ce que veulent dire tous ces mots mis bout à bout, et encore moins de l'utilisation que ça va être par rapport à la phrase que vous venez de dire avant. C'est quand même fou, hein, c'est quand même... tous ces mots-là, ça veut dire que tu dis autre chose que ce que tu viens de dire. Ça, c'est, ça ferait bugger même GLaDOS, un truc comme ça, quand on y réfléchit une seconde. Mais l'utilisation de l'implicite dans les descriptions, ou l'utilisation d'un référentiel collectif, ça permet aussi très très vite de faire passer une idée. Et surtout, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'une image d'un PNJ pour tous les PNJ qu'on va croiser. Parce que si vous dites juste bah, « il est grand, il a les cheveux frisés roux et il a un gros nez », on va peut-être tous s'imaginer dans notre tête un personnage différent, et que si on colle forcément une image de Midjourney sur ce PNJ créé, ça va changer notre vision de la chose. Pour le meilleur, pour le pire, peu importe, mais en fait, chacun peut très bien se représenter ce PNJ à sa façon. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, plutôt que d'avoir des gens qui vont dire « ah bah je le voyais pas comme ça, ah bah, bah si ». En fait, on s'en fout. Est-ce que ça compte vraiment de savoir si ces boucles, elles font 2 cm ou 2 mm en vrai? Non, mais ça, c'est pas propre à l'IA, du coup. Ce serait exactement la même problématique si tu avais cherché une image sur Google Images ou si tu l'avais dessiné toi-même. Ça, c'est est-ce qu'il faut utiliser des visuels, est-ce qu'il faut pas utiliser des visuels? Il y a les deux écoles. Moi, j'utilise pas de visuels parce que je suis juste un gros MJ flemmard de la mort. Mais aussi, l'IA, ça démocratise vachement l'utilisation de visuels. Si t'as une IA, tout le monde peut en utiliser. Alors que avant, quand tu achètes ton scénar de jeu de rôle en boutique, parce que oui, acheter en boutique, c'est très important, tu as les 3 illustrations qu'on t'a données et après, c'est marre. J'allais dire, en soi, c'est toujours pareil. Hein. Les outils, ils sont ce qu'on en fait, en fait, hein, concrètement. C'est à nous de décider à quel moment on veut faire de la place à l'implicite. Laisser de la place, pour moi, je pense aussi comme toi, hein, qu'il n'y aura jamais mieux que de laisser du temps, enfin, de la place à l'imagination de chacun. Parce qu'on ne fera jamais mieux que ce qu'on est capable de fantasmer nous-mêmes ou de créer. Généralement, si on veut susciter de la peur, l'implicite, à mon sens, est beaucoup plus efficace parce que je ne saurais jamais mieux que toi ce qui vraiment peut te faire peur juste dans quelques clés, quelque chose dans l'ombre, une forme noire que tu arrives mal à définir ou justement, qu'est-ce que tu as l'impression de sentir, toi? Et là, généralement, le PJ, il va te donner ce qu'il déteste le plus et tu fais bah, bingo parce que moi, je ne l'aurais jamais trouvé, en fait. Parce que je peux pas, en fait, avoir cette représentation pour toi. Par contre, j'ai failli céder à la tentation de l'IA, et que je connais pour le coup, bah, la personne dont je vous parlais, le fait, lui, pour certains trucs barbants. Typiquement, vas-y, là, décris-moi les pièces de mon manoir, toutes les pièces random que j'ai pas envie de me faire. Et là où t'as raison, finalement, c'est est-ce que finalement j'en ai vraiment besoin de cette pièce? Est-ce que si mes joueurs ils veulent vraiment visiter le placard à balai du niveau 3 du manoir, est-ce qu'au final ça a de l'importance? Est-ce que je peux pas juste improviser un truc rapide? Auquel cas, l'IA va peut-être faciliter le travail des meneurs et meneuses qui ont du mal avec l'impro. Qui peut-être par manque de pratique ou parce qu'on n'est pas forcément... C'est pas tous les MJ en vrai sont pas super à l'aise avec l'impro. Ça va peut-être être un... faciliter ceux qui se diraient oh, « mais si jamais ils veulent visiter le 3e couloir du 8e palier, qu'est-ce que je fais ?» Ouais, voilà quoi. Je le vois comme ça. En gros, peut-être un outil pour rassurer ou pour vraiment se délester des trucs à la con. Enfin, moi, franchement, je le fais, hein, dessiner les plans, mais c'est chiant. Enfin, il y a plein de trucs. Quoi. Oui, puis de toute façon, tu auras toujours un joueur avec un cerveau malade, un joueur ou une joueuse, mais c'est quand même souvent un joueur, on va pas se mentir, avec un cerveau malade. Qui va te sortir des trucs en disant « Ouais, mais est-ce qu'il y a une épaisseur en crépi à l'intérieur ?» C'est vachement utile pour... Écoute, Michel, on s'en fout. Tout le monde s'en fout de tes détails architecturaux pourris. Oui, si tu veux, il y a du crépi. Ah mais non, mais c'est pas concrètement historique. À mon avis, ça peut pas être du crépi, c'est plus frotté à la chaux. Le relou, tu sais, qui dit « Mais tout à l'heure, Tu m'as pas dit qu'à côté de la chambre, il n'y avait que 8 mètres. Ça fait un peu léger pour une salle de bal. Ouh, va mourir. C'est du bal où il faisait que danser le Mia. Le géométrie, que tu dis. Eh bien, écoutez, en tant que maître du temps, je suis malheureusement contraint de vous dire que nous approchons de la fin de ce petit podcast. Je sais que vous en êtes très triste. J'aimerais vous proposer un petit mot de conclusion à chacun. Je laisse donc la parole à Erwick, vu que c'est Choco qui avait commencé. Erwick, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour conclure ? Oui, pour conclure, je dirais que voilà, les IA, c'est le futur, entre guillemets. On pourra pas faire sans, mais il faut faire avec, et ça passe par si comme moi, éthiquement, vous aimez pas trop, ça passe par ne pas les utiliser dans vos jeux, ne pas financer des jeux qui les utilisent. C'est un peu violent de parler de boycott, mais voilà, moi, j'essaye de, voilà, je les mets pas trop en avant parce que, éthiquement, en tout cas, pour la partie professionnelle, cela ne me va pas. Ça me pose des problèmes éthiques. Par contre, pour finir sur une note plus légère, vu que c'est la conclusion, pas de souci pour les utiliser dans vos parties perso. Moi-même, ça m'arrive très régulièrement de demander à ChatGPT, écris-moi le scénario de la fois prochaine. Je suis un MJ fainéant, j'ai pas d'idée, tiens. Je joue à Étoile, c'est un jeu de rôle de science-fiction. Il y a un scientifique, un militaire qui aime les explosifs et une experte de langue alien, qu'est-ce qu'ils vont faire cette semaine? Et puis ils sortent des trucs. Bon, c'est, en général, c'est mauvais, hein. C'est pas encore arrivé d'avoir pris vraiment un des scénarios qu'il a pondu, mais ça peut débloquer. Voilà. Choco. Je vais me faire plus nuancer, je pense. Moi, personnellement, je suis fondamentalement pour le soutien inconditionnel aux créateurs et créatrices de contenu. Que ce soit des illustrateurs, des créateurs de JDR, des romanciers, des scénaristes, peu importe. Il faut qu'on soutienne. Qu'on les soutienne parce qu'ils nous vendent du rêve et que c'est grâce à eux qu'on a quand même une bonne partie de nos loisirs. Après, vraiment, ceux qui aiment vraiment ce truc, peut-être réfléchir à quel niveau on veut les utiliser, sous quelles conditions et avec quelle éthique, en fait. Juste ça. Et effectivement, là, pour la LIA telle que je la conçois, avec tout aussi l'aspect que je connais pas, hein. Je suis pas une pro de LIA, loin de là. Je pense qu'on a même dit des bêtises. Aucun remords. M'en fous. Là actuellement pour moi c'est pas satisfaisant, en tout cas on peut pas l'utiliser dans un cadre rémunéré en tant que meneur ou meneuse, parce que pour moi c'est du vol pur et dur, c'est être malhonnête et je vois pas comment on peut faire ça. Et puis je le redis, montrez des élus de gens qui existent et créditez-les, dites-le, ça a été fait par un tel et ça vous tue pas, et lui il sera content de savoir qu'on a parlé de lui ou d'elle et ça c'est très bien. Ok, je vais aussi dire mon petit mot en disant que certes, l'IA est un outil, certes, l'IA va peut-être mettre pas mal de gens au chômage, mais il y aura toujours des indécrottables qui aimeront écrire eux-mêmes leurs propres scénars, faire eux-mêmes leurs propres illustrations. Et si vous savez pas dessiner, vous pouvez toujours décrire. Si vous savez pas décrire, vous pouvez toujours lire des bouquins pour vous inspirer, trouver quelque chose. Et c'est un grand plaisir de créer, vraiment. C'est beau ce que t'as dit. Oh là là, qu'est-ce que c'était consensuel et beau ce que j'ai dit. Oh là là, j'ai envie de me mettre de l'autre colonne, là, comme les vieux. Oh là oui, oh là là. Ce qui nous fait une transition absolument merveilleuse et magnifique pour une chronique récurrente. Ce sera la chronique du bon ou du très mauvais souvenir. Et je laisse la parole à Choco pour un bon ou un très mauvais souvenir de jeu de rôle. Ah, je vais vous donner un de mes pires souvenir ever. Ça fait très longtemps que je fais du jeu de rôle, vraiment très longtemps. Bon, je suis une vieille personne, mais disons qu'on compte ça en minimum 2 décennies. Et je peux me vanter d'être une meneuse acceptable et d'être capable de créer des scénars qui tiennent la route. En tout cas, j'ai le sentiment dans mon asso et avec les gens avec qui je joue de plutôt leur offrir des choses qui sont plaisantes, quoi. Bref, peu importe, je suis avec une personne qui connaît très peu le jeu de rôle, il en a fait une seule fois dans sa vie, en mode un peu YOLO, c'était, moi je pense, un joueur que j'aurais satellisé, dans le sens où ça avait l'air d'être une grosse rigolade, je sais pas ce qu'a donné la partie, mais bon. En tout cas, il s'était bien marré, et je me dis, allez, super, viens avec notre groupe, fais une partie avec nous de Pavillon Noir. Et donc, je me claque le scénar le plus perché de ma vie, il y avait des histoires de réalités parallèles. Ils visitaient un village dévasté, et en fait, par spot stratégique, quand ils touchaient... Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler l'univers initial de Pavillon Noir pour qu'on puisse bien comprendre le côté complètement chépère d'univers parallèle? Ouais, pardon. Alors, on est dans un jeu de rôle historique qui est absolument génialissime. Et donc, on incarne des, enfin, les personnages joueurs incarnent, ici, concrètement, c'était, donc des pirates. Des pirates en plein 18e. Donc, quelque chose de très terre à terre, hein, très réaliste. Ils sont, voilà, dans une île caraïbe. Ils découvrent un village complètement dévasté et donc ponctuellement, quand ils arrivaient sur des spots du village, ils touchaient des objets et les habitants du village caraïbe, avant que le village soit détruit, pour retracer ce qui s'était passé. Et franchement, cette partie, elle aurait pu être géniale. En vérité, le groupe que je jouais actuellement, il a kiffé. Sauf que pour quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle, qui a pas d'appétence particulière, qui se retrouve dans un groupe de joueurs et joueuses qui ont un lien entre eux parce qu'ils en sont à je ne sais pas combien de parties, hein, je pense plus d'une trentaine, non allez, vingtaine, faut pas pousser, plus d'une vingtaine, qui connaissent bien les rouages du jeu, qui connaissent bien l'univers, ça va. Pour quelqu'un qui connaît pas le jeu de rôle, mais c'était pourri mon truc. Mais quand je dis pourri, il savait pas où il était. En plus, du coup, pour que ça soit simple, il avait qu'un personnage qui était justement un des habitants du village d'avant la destruction. Donc à chaque fois qu'il jouait les pirates, bah il était un peu en retrait parce qu'il incarnait une panthère. C'était un peu les démons, un peu, quoi. Voilà, qui les suivait en mode un peu chamanique et tout. Et mais c'était nul. Et je sentais le désespoir dans ses yeux. Je sentais en plus qu'il voulait pas me vexer. Et il n'a pas fini la partie. Donc en fait, le plus gros fail. Je lui ai dit, c'est une table ouverte, vraiment, je sens que ça va pas. T'es pas obligé de rester. Il m'a dit, bah, si ça t'embête pas, je vais partir parce que je m'ennuie. Et là, je me suis dit, mais la loose, quoi. La seule personne où ça comptait, c'est pas que ça comptait, mais là, c'était vraiment très important que ça se passe bien. Oh, je crois que je l'ai vacciné pour le JDR à vie, quoi. Avant qu'on le revoie sur une table, c'est mort. Je suis tellement déçue. C'était un fail énorme. Franchement, nullissime. Le pire de ce que j'ai jamais fait. Voilà, c'était mon gros fail. Eh bien, merci. En tout cas, bravo, Choco. Vous avez eu le courage de nous le partager. Et c'est en vivant à plusieurs notre honte que nous en sortons grandis. Ou pas. La prochaine fois... ou pas, oui, ou pas. La prochaine fois, nous aurons droit à une autre anecdote croustillante. Nous verrons de la part de qui, peut-être Erwick, peut-être moi. Et surtout, la prochaine fois, on parlera de prospective rôliste. Alors, prospective, c'est le mot français pour la futurologie. Savoir ça va être quoi l'avenir du JDR, est-ce que ça va vraiment devenir un truc tout pourri, tout naze, ou et est-ce, surtout est-ce que c'était mieux avant, ou est-ce que ça peut peut-être devenir bien. Sur ce, nous allons retourner à nos pintes à la Taverne à Palabre. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis à bientôt. Bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée. Oui, ou bonne journée, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est précis, ça, oui.